seront attirés par les bacs, les fans inspirés par les barres. Puisque le fond méprise les âmes, loin du pont des arts, le fond a pris les armes. Évitons de se tirer dans les pattes, man, l'avenir est dans les braves. Trop de cons attirés par les bacs, les fans inspirés par les barres. Puisque le fond méprise les âmes, loin du pont des arts, le fond a pris les armes. Ils auraient voulu qu'on pense tous pareil. Tous les chemins mènent au rap vorace, c'est impossible comme Enora qui est plus Pharrell. Depuis petit, mon analyse est oculaire. Les humains se transforment en formulaire, écrit de ne pas être populaire. On garde les pieds sur terre, tant pis pour les places assises. Les médias ne manquent pas d'air, ils savent que l'État assassine. Combien de jeunes qui scannent, s'enchaînent, de mères qui scamment, de meurtres en chaîne, sanguinaires comme Gengis Khan. Faire sa quête ici n'est pas si simple. Plus j'entends parler des prêtres, plus je me dis que l'église n'est pas si sainte. Puisque l'hameçon de l'amour se mord à deux, je comprendrai jamais que tu aies des gens puissent prouver sa gloire à Dieu. J'ai plus confiance en tous ces dirigeants qui mentent. Ils seraient capables de t'insulter de macaque en te le disant gentiment. Puisque le fond méprise les âmes, loin du pont des arts, le fond a pris les armes. Évitons de se tirer dans les pattes, man, l'avenir est dans les braves. Trop de cons attirés par les bacs, les fans inspirés par les paves. Puisque le fond méprise les âmes, loin du pont des arts, le fond a pris les armes. Évitons de se tirer dans les pattes, man, l'avenir est dans les braves. Trop de cons attirés par les bacs, les fans inspirés par les paves. Puisque le fond méprise les âmes, loin du pont des arts, le fond a pris les armes. J'ai tellement de choses à dire, comparé, j'en écris tellement peu. L'inspiration m'attire, la vie t'en donne gratuit quand elle t'en veut. Si le fond t'a ému, c'est que j'y joins les formes. Loin des joueurs de PMU, des partisans du moindre effort. Fatigué ou même sous, on travaille comme des hommes. Pour un pays qui nous saoule, qui se perd, qui disperse le désordre. Quand je me trompe dans mes idées, je me dis que je devrais passer moins d'heures derrière le mic et plus de temps à méditer. Je reste objectif, je parle cru quand je fais tomber la gêne. Je peux pas comprendre les journalistes qui ont pompé BHL. Le monde est mort depuis qu'il a appartient aux grandes puissances. Il serait temps que dans les livres d'histoire ils parlent de l'existence. Pour qu'on se comprenne, prends mes sons dans leur ensemble. Jamais les mots n'existeront pour dire ce que je ressens. Puisque le fond méprise les âmes, loin du pont des arts, le fond a pris les armes. Évitons de se tirer dans les pattes, man, l'avenir est dans les braves. Trop de cons attirés par les bacs, les fans inspirés par les paves. Puisque le fond méprise les âmes, loin du pont des arts, le fond a pris les armes. Évitons de se tirer dans les pattes, man, l'avenir est dans les braves. Trop de cons attirés par les bacs, les fans inspirés par les paves. Puisque le fond méprise les âmes, loin du pont des arts, le fond a pris les armes.